ceux qui délaissent la prière par négligence, c'est pas un kafir. En aucun cas, ça veut dire qu'il lui permet de délaisser la prière. Et ceux qui la délaissent, il a certes coupé le lien entre lui et Allah Azzawajal. Car la prière est le lien entre lui et Allah Azzawajal. Donc celui qui la délaisse, il a certes coupé le lien entre lui et Allah. Donc il est plus propre à lui et plus en droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'oriente vers les shayatin. وكما قال سبحانه وتعالى ومن يكن الشيطان له قرينة فساء قرينة. Et celui dont les shayatin devient leur compagnon, il a certes pris de mauvais compagnons. Donc il incombe à chacun d'entre nous de faire attention à ce grand pilier qu'est l'islam en observant les horaires de salat et en priant de manière convenable, en étudiant la description pour ne pas s'exposer au malheur et pour ne pas s'exposer aux choses qui pourront nuire à notre religion. وَكَذَلِكَ النَّصِيحَ الثَّانِيَ. Les personnes que vous connaissez qui ont une négligence dans la prière, on vous conseille de ne pas détailler ce sujet-là auprès de ces personnes-là. Parce que le simple fait qu'ils entendent, مثلاً, que les personnes, les ulama, ils ont divergé sur ce sujet-là, et ils entendent que certains des ulama, ils ont pris comme avis que celui qui la délaisse par paresse, par négligence, c'est pas un kafir, peut-être qu'ils vont, ça va leur rajouter de la négligence sur de la négligence. Ils vont se dire, bah khalas, en gros, celui qui délaisse la prière, c'est pas un kafir. Donc en gros, le sahl, inshallah, peut-être qu'Allah il va me pardonner, ça va peut-être leur rajouter de la négligence. Nous, inshallah, on doit être des du'at ila Allah Azza wa Jal, qui m'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ud'u ila sabil rabbika bil hikmah. Avec sagesse. Poser les choses dans le contexte qui doit être posé. Si cette personne-là, on voit qu'il a de la négligence, on ne détaille pas la mas'ala. On évoque les hadiths où Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a évoqué que celui qui la délaisse, faqad kafar. Même si jamais toi tu vois que celui qui la délaisse, la prière, par négligence, c'est pas un kafir, le fait que toi tu dises, qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, an Jabir ibn Abdillah, al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar, t'as pas menti. Tu viens de lui montrer un hadith qui montre que celui qui la délaisse, il va s'exposer à la mécréance, tu vois. Donc ça veut dire que celui qui néglige, il va entendre ça, il va avoir peur, il va se dire, ah, si je la délaisse, d'apparence, je suis un cas à faire. Et peut-être que ça va lui donner du courage, pour qu'il revienne et qu'il se repente à Allah Azzawajal et qu'il l'observe les prières et dans leurs heures, quand même. Donc ça, c'est un point qui est très important. À nous, du'at ila Allah Azzawajal, de faire attention avec les awam, tamam, à pas détailler cette mas'ala devant les personnes à qui il est connu d'avoir de la négligence, anifis salah, parce que ça va leur rajouter de la négligence. Wa nahnu inshallah nurid min an-nas al-islah la al-fasad. Inshallah nattafi bi hadha al-qadr, tamam. Et s'il y a des choses que des éclaircissements, si j'ai pas été assez clair sur des points, faddalu, ou s'il y a des questions relatives au cours, que les personnes qui ont des questions, qui ne se gênent pas, qui les posent, inshallah. Quel est le jugement de celui qui délaisse la salat en jama'a? Déjà, aslan, il y a ikhtilaf, par rapport à celui qui délaisse la prière en jama'a, dans le masjid. Amma salat al-jama'a wajiba. Mais celui qui la délaisse dans le masjid, qui n'a pas à la mosquée pour faire la prière, aslan, il y a ikhtilaf, par rapport à ça, tamam. Mais celui, comme tu as dit, dans les pays de Kufr où il n'y a pas d'adhan, à la kulli hal, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, l'adhan, ce n'est pas le fait que tu entends la voix du mu'adhin. L'adhan, comme dans la langue arabe, l'adhan, c'est l'i'lam. L'i'lam. Le fait que la chose t'informe. Donc le simple fait que tu as un calendrier, ou qu'une autre personne lui a informé que la prière du Fajr sera à telle heure, ou la prière du Dhuhr sera à telle heure, ça lui suffit comme adhan. Même si jamais il n'entend pas, parce que l'adhan fil al-arabiya a'am min isma'a sawt. Tamam? C'est le fait que tu sois informé des horaires de prière. Tamam? C'est-à-dire que celui qui délaisse la prière au salat al-jama'a et qui voit il y a une salat al-jama'a fil masjid et qui voit que celui qui voit que c'est une obligation de faire la prière en jama'a dans le masjid, c'est un rasi. Il a délaissé un accomplissement qui est très grand. C'est un rasi. Ça, c'est la réponse, que j'ai pu entendre de Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, fi silsilatin le huda wa al-nur. Qu'il a dit, al-adhan fi l'ura al-arabiya, al-i'lam. Donc, ça englobe le fait qu'on t'informe, le fait que t'entendes, et même ça englobe ces deux choses-là. Donc, celui qui voit que c'est un kafir, il prie pas dessus. Et celui qui voit, comme c'est la vie, inshallah, de la plupart des ulama, et qui est la vie qui est le plus juste, parce qu'il n'y a pas de... Les savants n'ont pas réussi à interpréter ce hadith-là, tu vois. Donc il y en a l'avis le plus juste, c'est que celui qui avait la conviction, il n'a pas prié, il avait la conviction que la prière c'était une obligation, tamam, et il a délaissé, tamam, il fait janaza sur lui. Nasallahu yarham. On conclut sur cela, ou y a-t-il d'autres questions? Subhanaka hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum ala al-hudur wa al-sabr. Nasallahu subhanahu wa ta'ala an yajziyakum khayran. Afiikum barakallahu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.